Vous. Oui, vous. Savez-vous que vous pouvez écouter 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts sur une seule application gratuite ? Avec Radio Player France sur smartphone, enceinte ou en voiture, vos radios sont toujours avec vous. Radio Player France, l'appli de toutes les radios. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Chef-d'œuvre en péril. Voici le titre d'une émission télévisée qui a marqué les esprits. Le programme a été créé par le journaliste Pierre Lagarde. C'était au tout début des années 1960, avec pour vocation de mettre en avant la sauvegarde du patrimoine. Chef-d'œuvre en péril est souvent présenté comme une émission culte du patrimoine télévisé. En effet, face à l'abandon de sites remarquables, on se dit qu'il y a des coups de pied au culte qui se perdent. L'émission joue sur l'émotion, émotion légitime. Quand est présenté un monument abandonné, oublié, délaissé, négligé et blessé, le patrimoine, c'est notre histoire, c'est notre identité. Oui, l'émotion. Quand les hommes sont morts, ils entrent dans l'histoire. Quand les statues sont mortes, elles entrent dans l'art. Cette botanique de la mort, c'est ce que nous appelons la culture. C'est que le peuple des statues est mortel. Un jour, nos visages de pierre se décomposent à leur tour. Une civilisation laisse derrière elle ses traces mutilées comme les cailloux du petit pousset, mais l'histoire a tout mangé. Un objet est mort quand le regard vivant qui se posait sur lui a disparu, et quand nous aurons disparu, nos objets iront là où nous envoyons ceux des nègres, au musée. Les statues meurent aussi, c'est le film, le court-métrage de Chris Marker, Alain René et Ghislain Cloquet. C'était au début des années 1950. La voix, c'est Jean Negroni qui évoque ces statues qui meurent aussi. Bonjour Stéphane Bourdin. Bonjour. Ces statues dont il est question, c'est notre patrimoine. Vous auriez la gentillesse de nous donner une définition du patrimoine ? Le patrimoine, c'est l'ensemble des productions matérielles et immatérielles qui sont élaborées par les sociétés passées. Et qui se constitue, au sens de l'UNESCO d'ailleurs, une ressource pour les sociétés actuelles dans lesquelles on peut puiser pour le développement économique, notamment culturel, touristique, et également pour susciter un attachement d'identité. Et de l'émotion. Et de l'émotion. Nicolas Tessandier, bonjour. Bonjour. Quelque chose à rajouter à cette définition qui était déjà complète et très complète. Non, l'émotion, c'est quelque chose de très important, mais que l'on pourrait associer à l'émotion esthétique des ruines. Le patrimoine, c'est quelque chose qui nous touche fortement. Et le mot même patrimoine, ça évoque tout un univers. Oui, et je crois que l'émotion est capitale, à la fois dans la façon dont on profite, entre guillemets, du patrimoine, mais aussi dans la façon dont on va pouvoir le transmettre, car je crois que là, une des problématiques liées à ce patrimoine, c'est aussi celle de sa transmission. Et c'est un peu notre devoir à nous, Stéphane et moi aujourd'hui, archéologues, de porter cette parole. Et l'émotion, la fiction, la façon de raconter, la narration sont des éléments essentiels dans cette transmission, je pense, pour faire comprendre, intéresser, mobiliser les gens autour du patrimoine et du patrimoine culturel et de sa transmission. Stéphane Bourdin, mais oui, c'est ça, archéologue, ce n'est pas simplement fouiller, puis étudier, c'est aussi expliquer et transmettre. C'est aussi expliquer et transmettre, et le témoignage archéologique, les sites archéologiques sont utiles pour écrire l'histoire des sociétés et transmettre également une émotion, susciter une appartenance aussi territoriale. L'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives, l'INRAP, a pour slogan « Nous fouillons, c'est votre histoire ». C'est votre histoire, donc tout est dit avec ce slogan. Mais on ne pourrait pas, pour réfléchir aux menaces sur le patrimoine, déjà évoquer le temps. Le temps qui passe est une menace pour le patrimoine. Oui, puisque les matériaux se dégradent inévitablement avec des durées de conservation qui sont parfois inégales, mais certains matériaux, le papier par exemple, a une durée de vie extrêmement réduite, enfin quelques siècles, et puis le papier disparaîtra. Le bois également ne se conserve pas aussi longtemps que d'autres catégories de matériaux comme l'argile par exemple ou le silex. Et donc les objets patrimoniaux, les objets archéologiques se détruisent progressivement et disparaissent. Et donc il faut les étudier avant que toutes ces traces aient disparu. Mais d'ailleurs, ça fait toute une réflexion sur ce que nous considérons être le patrimoine. Pendant longtemps, le patrimoine s'était limité aux grands monuments et aux statues parce que elles étaient là et elles se conservaient. En réalité, les sites archéologiques, la documentation archéologique est vraiment très complète et multiforme. Et les plus infimes traces qui sont conservées, les charbons, les pollens, constituent des éléments patrimoniaux parce qu'ils sont utiles aussi pour écrire l'histoire des sociétés. Nicolas Tessandier, alors ça c'est vraiment la question qui se pose au moment de parler de patrimoine. C'est sûr que des pollens ou la trace d'un pieu planté dans de la terre ne paraît pas patrimonial tel qu'on la présente comme ça. Mais si, c'est aussi très important. C'est difficile de l'exposer dans un musée, mais ça reste malgré tout patrimonial. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que moi, pour ma part, je suis préhistorien, donc je m'intéresse à des périodes plus anciennes que celles de Stéphane Bourdin, le paléolithique, on va dire. Et c'est vrai que plus on recule dans le passé, plus l'infime trace devient importante, parce que plus on recule dans le passé, comme Stéphane l'a dit, le temps est un facteur de vulnérabilité. Donc quand on recule dans le passé, on a moins de traces, forcément. Et évidemment, nous, paléolithiciens, on va récolter jusqu'au millimétrique. Hein. Il faut pas oublier qu'aujourd'hui, par exemple, avec les progrès technologiques et l'ADN, on retrouve de l'ADN dans les sédiments. Donc même les sédiments, la terre dans laquelle nos vestiges culturels sont enfouis, est un biomatériau, un biopatrimoine en quelque sorte, qui doit s'étudier, se conserver, se prélever dans des conditions optimales pour pas être pollué. Donc c'est voilà, on est maintenant rentré dans l'infime trace. Et c'est vrai que je parle de l'ADN parce que récemment, par exemple, on a trouvé une parure, une dent de serre perforée qui a été étudiée et dont on a pu retrouver l'ADN vraisemblablement de la personne qui a porté cette parure et dont la sueur s'est imprégnée sur cette parure il y a plus de 10 000 ans. Donc voilà, on en est quand même à des... Voilà, tout est susceptible, même des choses qu'on ne connaît pas encore sont susceptibles de porter des traces et de devenir un patrimoine mondial de l'humanité, en quelque sorte. Nicolas Tessandier, ce que vous nous dites là signifie que tout laisse des traces. Et pour des éléments dont on ignore encore le moyen de les identifier, tout laisse des traces. Ce qui signifie que quand on arrive, et vous êtes préhistorien, dans une grotte, en disant « bah là, il n'y a plus rien, ça ne sert à rien », bah si, peut-être aussi. Oui, et c'est aussi pour ça que c'est le travail des services de l'État et notamment du ministère de la Culture, mais on peut pas, on doit aujourd'hui vraiment avoir des questions très précises quand on fouille un site, quoi. Il y a plein de fois où il vaut mieux laisser le site tranquille, le laisser se reposer, le site archéologique qui a des dizaines de milliers d'années ou des centaines, et ne pas l'exploiter. Potentiellement parce qu'on n'a pas forcément à un moment T les outils qui vont être capables de porter tout ce qu'il a révélé dans la connaissance. Et c'est vrai qu'on on dispose des outils à un moment donné. Il y a 50 ans, on les avait pas. Et dans 30 ans, on peut imaginer que certains sites seront exploités avec d'autres modes et voies d'accès à la connaissance et qui permettront de révéler des patrimoines qui peut-être aujourd'hui nous sont encore inconnus. Et les progrès technologiques, là, c'est depuis 20 ans, plein de matériaux conservés n'étaient pas révélables. Hein. J'ai parlé de l'ADN, mais on pourrait parler des ressources. La paléoclimatologie se joue sur des isotopes, de l'oxygène, sur des sédiments marins enfouis dans les fonds océaniques. Enfin, et on est dans des études qui sont microscopiques et qui pourtant nous révèlent quel était le climat il y a 20 000 ans, 30 000 ans, 50 000 ans et qui sont essentielles à comprendre pour comprendre le fonctionnement des sociétés humaines dans leur environnement, dans leur climat passé. Ce qui est très valable pour la préhistoire, l'est aussi pour d'autres périodes. Vous, Stéphane Bourdin, c'est le Monde Romain. Vous êtes directeur adjoint scientifique de l'Institut des sciences humaines et sociales du CNRS. Vous enseignez à l'Université Paris 1, c'est Panthéon-Sorbonne. Et dans ce monde romain, c'est la même chose. Mais c'est vrai que des villas gallo-romaines, on en a des paquets. Est-il utile de toutes les fouiller? Parfois, on se dit, laissons-les et puis d'autres études sont à faire. Mais c'est déjà le cas pour des fouilles qui ont été réalisées par le passé. Elles sont reprises aujourd'hui. Oui, comme disait Nicolas, il est nécessaire aussi parfois de constituer des réserves archéologiques pour pouvoir revenir ensuite sur le matériel avec de nouvelles techniques qui nous permettront de documenter des choses qu'on ne voyait pas auparavant. Pendant très longtemps, on s'est contenté dans les fouilles romaines de dégager uniquement les structures, afin d'aller chercher les murs, des maisons, des villas, des temples, etc. Et désormais, on applique aussi des protocoles d'études beaucoup plus complets et on étudie le paléo-environnement, les paléopollutions et tout ce qui, les traces les plus infimes, les pollens, etc. Enfin, les protocoles qui ont été développés pour les périodes préhistoriques, proto-historiques, sans écriture, sont aussi employés pour la documentation, pour l'époque romaine, mais également pour les époques plus récentes. Il ne faut pas oublier qu'on continue à produire de l'archéologie. Enfin, ce patrimoine archéologique, il continue à se sédimenter. On laisse toujours des traces, on continue à laisser des traces. Des sites archéologiques se créent tous les jours, parfois dans des endroits incroyables. Hein. On peut considérer, par exemple, que les sites d'alunissage des missions Apollo sur la Lune sont des sites archéologiques qu'il faut préserver. Enfin, il ne s'agit pas de les détruire en alunissant au même endroit. Par exemple, les vestiges de matériel des attentats du 11 septembre sont des sites archéologiques. Enfin, ce patrimoine archéologique, il continue à s'accroître et il faut en prendre la mesure et l'étudier dans la mesure du possible, de la façon la plus complète. Ben alors, ça veut dire que l'archéologue lui-même est une menace pour le site archéologique ? L'archéologie, c'est aussi une forme de destruction ? Oui, l'archéologie démonte les sites en les étudiant. Et donc, quand on a fouillé un site, il est difficile de remettre les couches en place. C'est pour ça que la démarche doit être le plus scientifique, le plus précise possible et le mieux documentée. Parce que, inévitablement, l'archéologie détruit les sites archéologiques qu'elle étudie, mais les préserve par l'étude aussi. Nicolas Tessandier, sur cet archéologue destructeur de sites, mais qu'il préserve dans le même temps. Disons que oui, bon, le passé a fait beaucoup de mal, hein, au 19e, tout le début du 20e siècle. On apporte des connaissances extraordinaires, mais en même temps avec des méthodes qui sont souvent violentes. On fouillait des sites préhistoriques qu'on fouille aujourd'hui à l'outil de dentiste, à la pioche, à la recherche des beaux objets. Beaucoup de choses étaient jetées. Donc il y a beaucoup de patrimoine qui a été détruit, pas gardé, pas conservé, parce que jugé peu significatif à une période donnée, une période historique donnée. Donc il y a toute une histoire de l'archéologie à faire avant de reprendre un site. C'est-à-dire que effectivement, on retravaille souvent dans les mêmes lieux, parce qu'il y a des sites remarquables qui ont conservé des successions d'occupations sur des millénaires, et qu'ils ont une importance cruciale. Donc on retravaille sur ces lieux, mais avant d'y retravailler, il faut savoir pourquoi on y retravaille, qu'est-ce qu'on vient y faire exactement, et d'avoir bien compris ce qu'a été l'histoire, faire l'historiographie de ces archives, pour un peu cerner ce que les archéologues précédents ont fait, quels étaient leurs choix, comment ils ont justifié leurs méthodes, et nous les adapter les nôtres, et surtout arriver avec des questionnements très précis. Souvent, on va revenir sur un site, mais on va faire très peu de choses. On va reprendre ce qu'on appelle une coupe, hein, un endroit où il y a une stratigraphie, une succession de couches, faire des prélèvements pour datation ou pour telle et telle analyse spécialisée, mais pas forcément réengager une ouverture du site en préhistoire et refouiller sur des mètres et des mètres carrés qui des fois ne le justifient pas. Des fois, il faut le faire, mais des fois, on touche pas. Beaucoup de grottes ornées sont concernées, par exemple, par le fait d'y intervenir le moins possible et de ne pas être invasif. Quoi. On essaye de faire de l'archéologie non invasive dans pas mal de contextes. Celui qui est toujours invasif, c'est le temps. Jean-Claude, vous allez tout d'abord un petit peu me décrire le lieu où nous sommes, les grottes de Mas d'Azil. Nous sommes à l'intérieur même de la grotte, sur la rive droite. La distinction entre la rive droite et la rive gauche de la Rize est importante parce que sur la rive droite se trouvait un énorme gisement préhistorique, datant en grande majorité du Magdalénien moyen, c'est-à-dire à peu près, disons, autour de vers 15 000 ans avant nous. Alors que sur la rive gauche, on a découvert, au siècle dernier, une civilisation qui succédait à ces Magdaléniens et qui était intermédiaire entre l'époque des très grands chasseurs, qui étaient les Magdaléniens, et l'époque des premiers agriculteurs. Cette civilisation, inconnue jusqu'alors, a été appelée l'Azilien. C'est-à-dire que la grotte du Mas d'Azil, où nous sommes actuellement, est ce que l'on appelle un gisement éponyme. C'est un gisement qui a donné son nom à une civilisation qui est connue dans le monde entier. Nous étions en 1977 quand le préhistorien Jean-Claude présentait le Mas d'Azil, c'est en Ariège. Nicolas Tessandier, déjà en 1977, il y avait la conscience de l'importance de ce site. Pourquoi est-il si important ? C'est qu'il est site de transition. Oui, voilà. Alors, c'est un site. Déjà, c'est un monument géologique, le Mas d'Azil. Les gens qui y sont allés, c'est un porche de grotte spectaculaire de 70 mètres de haut, avec à l'intérieur de ce porche et de cette grotte, la rivière Arize et une route départementale. Donc, c'est vraiment un endroit géologiquement et naturellement très spectaculaire. Et effectivement, au milieu du 19e siècle, à partir du milieu du 19e siècle, il a été exploité. Et on y a trouvé cette civilisation, comme disait Jean-Claude, intermédiaire, qu'on a appelé l'Azilien. Donc le Mas d'Azil est devenu site éponyme. d'une civilisation, d'une tradition, de tradition culturelle intermédiaire entre les derniers chasseurs-cueilleurs du paléolithique récent et les premiers agro-pasteurs. Et ensuite, bon, il a été aussi important parce qu'on y a découvert des œuvres pariétales dans des petits conduits latéraux étroits, eux remontant plutôt au Magdalénien, donc la fin du paléolithique supérieur, les chasseurs-cueilleurs du paléolithique récent. Et voilà, et donc, et puis c'est une cathédrale, on pourrait dire c'est une cathédrale de la préhistoire, quoi, le Mas d'Azil, quoi, à la fois par son importance en termes d'occupation humaine et l'aspect spectaculaire de son positionnement, de sa nature, de vraiment une cavité tout à fait impressionnante. Et pourquoi trouve-t-on cette cathédrale dans l'Atlas des sites archéologiques menacés qui a été publié sous votre direction, Nicolas Tessandier, avec François Bétard, Françoise Gourmelon et Stéphane Bourdin, qui est avec nous aussi. Pourquoi ce site serait-il menacé ? Alors, on le trouve dans l'Atlas donc qu'on vient de sortir parce que il se trouve que des travaux ont été repris par une équipe pluridisciplinaire, hein, engageant toute la gamme des spécialistes qui interviennent sur des sites préhistoriques, hein, donc depuis des gens intéressés par la géologie, la corrosion, l'érosion, les cours d'eau, ou des préhistoriens qui, eux, vont regarder les œuvres d'art, les roches, les silex taillés, les ossements, etc. Et en fait, le site était connu, outre ses restes archéologiques innombrables, comme je vous l'ai dit, par ses œuvres pariétales, mais qui était situé dans des petits conduits étroits et où on avait interprété dans le passé la volonté potentielle des peintres à cacher leurs œuvres et donc à les avoir mis dans des recoins difficiles d'accès, difficiles à voir, etc. Et en fait, on s'est aperçu par la reprise des études que différents processus d'altération avaient eu lieu dans cette cavité du Mas d'Azil, donc bien sûr le passage de la rivière, des effondrements de la paroi, des parois et de la voûte, des variations dans la circulation de l'air ou des variations climatiques qui vont entraîner des écailles sur la paroi, c'est-à-dire la paroi s'effrite, le gel, etc., etc. Et aussi, là c'est quelque chose d'assez récent, la grotte est, comme souvent les grottes, peuplée par des colonies de chauves-souris, mais ce depuis des dizaines de milliers d'années. Et en fait, c'est notamment un collègue qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui s'appelle Laurent Bruxelles, hein, du même laboratoire que moi, le laboratoire Trace à Toulouse, qui lui s'est intéressé à l'impact des chauves-souris sur le modelé des grottes. C'est-à-dire, il s'est rendu compte que, à la fois, la respiration de ces milliers de chauves-souris avait un effet sur la voûte. En fait, elles respirent, ça forme un voile d'eau par leur respiration, qui est une eau acide et qui attaque le calcaire. Donc, ça creuse des coupoles dans le calcaire. Donc, s'il y avait des peintures, ben, manque de chance, on les verra plus. Et qu'ensuite, il y avait les excréments, donc l'urine et les guano, qui altère la roche, la transforme en phosphate, on peut dire, et qu'en fait, au sol, il y avait des tas de guano de plusieurs mètres, donc des mètres d'excréments de chauves-souris qui minéralisent, qui sont très acides, et qui, du coup, rejettent du dioxyde de carbone et des acides qui vont circuler dans la grotte, condenser et faire dissoudre le calcaire. Et donc, on est en train de s'apercevoir d'avoir une réflexion sur un peu une archéologie de l'invisible, quoi. C'est-à-dire que entre le constat de dire les artistes ont caché leurs œuvres et les ont mis dans des conduits particuliers, étroits, ou d'en fait se rendre compte que la grotte est complètement remodelée par des attaques naturelles, biologiques, et qu'en fait il y avait peut-être des peintures partout, mais qu'elles sont plus visibles, ça amène des modèles qui pourraient être ensuite transposés dans d'autres grottes et essayer de comprendre sur les présences-absences, quoi. C'est pourquoi on a des Chauvet à certains endroits, ou des Lascaux, et pourquoi à d'autres endroits on n'a rien, ou on a peu de choses, ou des choses effacées, ou simplement fragmentaires. Donc le Mas d'Azil est venu alimenter l'exemple même d'un site qui est exploité depuis plus de 150 ans et qui aujourd'hui est en train de renouveler profondément notre connaissance et nos réflexions sur ces patrimoines du passé. Et puis avec le guano de chauve-souris, on a authentiquement marché dans la grotte. Là, c'est net dans l'Atlas des sites archéologiques menacés. Stéphane Bourdin, que vous avez co-dirigé, on l'évoque là depuis tout à l'heure, le temps, l'érosion, les chauves-souris. C'est pas une grande part de ce qui est présenté. Quelle était la volonté en faisant cet Atlas ? En faisant cet Atlas, nous avions, qui fait donc... appel, il y a 35 sites qui sont présentés, une cinquantaine de contributeurs qui sont chercheurs CNRS, enseignants-chercheurs ou agents de l'INRAP ou du ministère de la Culture qui ont participé. On avait la volonté de, d'une part, illustrer la diversité du patrimoine menacé. Enfin, le patrimoine, c'est pas uniquement Pompéi ou les pyramides égyptiennes ou des choses bien connues, mais il y a une pluralité de sites sur l'ensemble des continents et sur une durée de temps extrêmement vaste, enfin depuis le paléolithique jusqu'à l'époque contemporaine. Donc nous voulions d'une part illustrer la diversité de ce patrimoine, de ce type de sites qui sont menacés, et également serrer un petit peu les types de menaces. Les menaces naturelles, le temps, la dégradation, dont on a déjà parlé, mais également les menaces plus liées à la présence humaine, les destructions, les volontaires ou pas, le surtourisme. Enfin, on a essayé de mettre en avant un petit peu et des sites qui sont représentatifs de différents types de menaces et qui combinent parfois aussi différents types de menaces, puisque un même site peut à la fois souffrir de surtourisme, de dégradation volontaire liée au surtourisme, de la dégradation à cause du temps et du réchauffement climatique. Avec cet atlas des sites archéologiques menacés, bien sûr, un site n'est pas menacé par le tourisme. Là, vous le dites bien, tout se croise sans arrêt. Et puisque tout à l'heure, nous étions au Mas d'Asile en train de marcher dans une grotte, je vous propose de vous équiper d'un tuba. Nous plongeons. Le plus angoissant la première fois, c'est de pénétrer dans ce tout petit orifice de moins d'un mètre de haut et de franchir ce purgatoire de 150 à 180 mètres avec plusieurs étroitures pour accéder dans la grande salle émergée. Le plus grand risque est de s'égarer parce que en palmant dans ce boyau, on soulève immanquablement la vase qui tapisse le fond et une partie des parois et on obscurcit complètement l'eau, d'où la nécessité de placer un fil d'Ariane qui nous sert de guide à l'aller et au retour. Et surtout au retour, c'est le manque de visibilité, même avec une lampe, qui risque d'égarer le plongeur. C'est Jean Courtin qui s'exprimait, préhistorien, mais aussi plongeur. Nous étions en 1994. Nicolas Tessandier, vous avez une idée où l'on se trouve à Barboté? Oui, on est dans les Calanques, près de Marseille et de Cassis. C'est la grotte Cosquer. Hein. Donc on est à la grotte Cosquer, qui aujourd'hui, par grand bonheur de notre modernité et de l'attention qui est portée au patrimoine, et on peut... Le public peut aujourd'hui, à côté du Mucem à Marseille, aller visiter le fac-similé comme on peut le faire pour Lascaux, pour Chauvet, pour certaines des grottes les plus remarquables qu'on ait sur le territoire français. Et en quoi est-elle menacée, cette grotte Cosquer? Eh bien, cette grotte Cosquer, donc, comme Jean Courtin le disait, elle n'est accessible qu'en plongeant sous les falaises, en quelque sorte. Hein. Je crois qu'il faut descendre à 35-40 mètres sous la mer, au niveau des falaises, au niveau des calanques, dans les Bouches-du-Rhône, en Méditerranée, et ensuite passer à 40 mètres sous la mer, trouver ce boyau et pénétrer ce boyau. Et effectivement, après 150 mètres, les plongeurs et les archéologues débouchent dans la grotte. Il y a eu, avant que la grotte ne soit protégée, que des portes soient installées, des fils d'Ariane, comme Jean Courtin le disait, il y a eu des accidents graves, hein, jusqu'au décès de gens qui ont essayé d'y aller. Et les archéologues arrivent ensuite dans une salle qui, elle, est immergée, à l'air libre, où les peintures, gravures, marques de toutes sortes, sols archéologiques sont conservés. Mais évidemment, comme on l'a dit un peu depuis le début, l'archéologie résonne avec les mondes contemporains, et donc l'archéologie est en résonance avec ce qui se passe aujourd'hui au niveau des changements climatiques, environnementaux, et notamment de remonter du niveau des mers qui se fait peu à peu et qui semble inéluctable. Hein. Et donc, certaines peintures ne sont plus visibles. Et il faut aussi s'imaginer que ce qu'on appelle le marnage, hein, c'est-à-dire la succession permanente des points hauts et des points bas des marées, lessive les parois. Et que donc plus le niveau de l'eau, enfin cette grotte s'abîme de toute façon, comme tout patrimoine humain en milieu naturel, mais là la montée des eaux va à terme potentiellement effacer entièrement cette cavité. Donc la cavité est directement menacée par la remontée des niveaux des mers qui sont, comme tout le monde le sait, liés à des formes de dérégulation anthropique qui touche aujourd'hui notre monde, nos mondes, notre monde contemporain, notre écologie, notre environnement. Nicolas Tessandier, mais d'ailleurs l'histoire de la grotte Cosquer, c'est une histoire de la montée des eaux, parce que les hommes de la préhistoire et les femmes aussi sans doute ne mettaient pas de tuba et des palmes pour y aller. Hein. C'est-à-dire que il y a eu tous ces changements, l'histoire même du site, c'est notre histoire. Ça révèle des choses sur l'évolution des climats. Oui, tout à fait. La grotte est donc aujourd'hui sous les eaux, sous les calanques, mais à l'époque, on estime qu'elle était à 8 à 10 kilomètres du littoral. Il faut savoir qu'à ce moment-là, du paléolithique, le niveau des mers était à peu près 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Et qu'ainsi cette grotte était dans un environnement méditerranéen, vraisemblablement de garrigues avec des pins, des plaines, du gibier qui se promenait par là, où les gens pouvaient chasser, etc. Donc ils avaient le littoral pas très loin, une dizaine de kilomètres, et on peut penser que certaines des originalités picturales dans les représentations animales de la grotte Cosquer sont liées à cette fréquentation de sociétés qui étaient en lien avec le monde méditerranéen et avec la mer. Et le littoral, parce qu'on a notamment des pingouins qui sont une originalité propre à la grotte Cosquer dans l'art du paléolithique récent. Bon, on a beaucoup, ce qu'on retrouve le plus, c'est des chevaux, bouquetins, cerfs, bisons, chamois plus rarement, antilopes saïga plus rarement, mais pingouins et phoques qui sont vraiment des choses qui sont assez peu connues ou pas du tout connues dans des environnements plus, enfin, en Ardèche pour Chauvet ou en Dordogne pour Lascaux, on ne trouve pas ce genre de représentation animale. Donc voilà, des gens qui vivaient dans une plaine méditerranéenne, mais qui avaient un accès au rivage à une petite dizaine de kilomètres de là où ils peignaient ces fantastiques peintures de Cosquer. Oui. Et qu'il faut préserver, sachant que ces sites sont menacés. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Ruines en péril, mais pourquoi ces sites sont-ils menacés ? France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Stéphane Bourdin, vous êtes prêt ? On va écouter un son qui devrait vous glacer un petit peu, toujours dans cette réflexion sur la menace qui pèse sur certains sites archéologiques. Il y en a une qui a la forme d'une poêle à frire. Le passé au pied des tours, comme ici à Montlhéry, c'est palpitant. Qu'est-ce que vous avez trouvé ici à Montlhéry ? Oh, de nombreuses pièces de monnaie, surtout de toute époque, hein, depuis à peu près presque 10 siècles, depuis que la tour existe. Cet homme qui manipule son appareil à détecter les objets métalliques n'ignore pas qu'en un siècle, on a découvert 3500 trésors en France. Ah, c'est palpitant de découvrir des trésors. Nous étions en 1980 sur la première chaîne de télévision française. Stéphane Bourdin, dans les menaces qui pèsent sur tous les sites, et alors là, c'est vraiment absolument transversal, il y a ce qu'on vient d'entendre, les détecteurs de métaux. Oui, détecteurs de métaux qui sont une menace qui pèse sur tous les sites, ceux que l'on connaît le plus et qui semblent être particulièrement pillés, mis en coupe réglée, mais qui sont une menace quotidienne qu'on retrouve sur le territoire national, par exemple. Or, il ne faut pas oublier quand même que l'utilisation de détecteurs de métaux à des buts de recherche archéologique, entre guillemets, enfin pour chercher des trésors, est absolument interdite par le code du patrimoine. Enfin, la législation en France interdit l'usage, hors autorisation préfectorale spécifique, des détecteurs de métaux ou de la pêche à l'aimant, par exemple, qui mènent au jour des objets métalliques le plus souvent et qui sont complètement sortis de leur contexte. Donc on perd la moitié de l'information contenue dans ces objets, enfin tout ce que les objets pouvaient apporter en éléments de datation dans les couches archéologiques où ils se trouvaient, est complètement perdu quand on extrait ces objets des couches archéologiques. Donc le pillage, parce que c'est un pillage, l'utilisation de détecteurs de métaux est comme pratique amatorial est une tragédie pour le patrimoine, puisqu'on va détruire de l'information sur tout le territoire national, une information qui ne sera plus possible de récupérer. Et c'est-à-dire que pour trouver un clou, ce qui va être détruit, ce sont tout ce que vous évoquiez, les pollens, les traces de construction en bois, etc. Et on perd la connexion entre le clou ou l'objet métallique qui est extrait et les couches archéologiques dans lesquelles il se trouvait. C'est l'article L542-2 du Code du patrimoine. Il faut une autorisation préfectorale. Et en Normandie ou dans les zones de guerre, vaut mieux éviter la pêche à l'aimant et le détecteur de métaux sous peine de trouver des obus. Nicolas Tessandier, c'est vrai que nous avons ici, et pour la préhistoire, c'est de manière très concrète, la nécessité de relier l'objet trouvé un contexte. Une pièce de monnaie romaine a malgré tout une valeur, parce qu'elle est monnaie romaine, même si elle est sortie de son contexte. Quand il s'agit d'une pierre taillée, alors là, sortie du contexte, c'est plus grand-chose. Ben non, oui, c'est sûr que alors l'objet en lui-même, quand vous avez affaire à un spécialiste, si vous me tendez un silex, dans certains cas, je pourrais vous dire à peu près de quand à quelle période il remonte, parce qu'il peut avoir des caractères diagnostiques particuliers. Mais c'est vrai que ce qui nous intéresse, et d'autant plus, disons qu'en gros, en préhistoire, pendant tout le début et jusqu'aux années 50-60, on a fait surtout de la du vertical et de la stratigraphie, c'est-à-dire que ce qui intéressait le plus, c'était de décrire les successions de périodes et ce qu'il y avait comme type d'outils dans chaque période et de comprendre quelle période précédait la suivante, etc., etc., une succession, l'ordre. Et à partir des années 60, et notamment sous la houlette d'un grand préhistorien français, préhistorien, anthropologue social, André Leroy-Gourhan, lui a compris, en s'inspirant notamment des chercheurs russes, qui eux n'avaient pas de grottes, donc n'avaient pas forcément de succession de périodes, mais avaient des sites qui étaient en plein air, et qui étaient en fait des campements d'un moment donné. Et là, Leroy-Gourhan a lui développé une archéologie horizontale, c'est-à-dire de dégager des grandes surfaces de sols contemporains avec des objets contemporains les uns avec les autres. Et là, évidemment, ce qui est fabuleux et intéressant, c'est d'avoir un instantané et de se rendre compte que plusieurs foyers ont fonctionné de façon contemporaine, qu'il y avait une organisation sociale sur le campement, qu'on révèle par une organisation spatiale de l'arrangement des objets, et qu'effectivement, la position de telle lame de silex, de tel foyer, cendre, charbon, reste animal, reste osseux de rennes liés à l'alimentation de ces populations, ne sont pas organisés de façon aléatoire. On s'est par exemple aperçu que autour des foyers centraux des occupations, on avait souvent les artisans ou les artisanes avec les savoir-faire les plus aboutis, et que des fois des choses malhabiles avec le silex, maladroites, vraisemblablement l'œuvre d'enfants ou d'individus en cours d'apprentissage, étaient dans des zones plus périphériques. Donc vous voyez bien que là, si on fait passer un engin agricole, une charrue, il faut bien que les agriculteurs travaillent, il n'y a pas de problème. Mais n'importe quel type de risque naturel, une érosion ou une intervention artificielle de l'homme, et vous enlevez trois foyers, vous comprenez plus rien à ce qui s'est passé il y a 15 000 ans, 18 000 ans ou plus sur ce site de plein air. Parce que ce qui est intéressant, c'est pas tant de rajouter 100 silex à des millions de silex connus, des milliards de silex connus sur la surface de la planète, mais c'est de comprendre l'arrangement de ces objets entre les uns avec les autres pour essayer d'arriver à ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est-à-dire une paléo-ethnologie, une ethnologie du passé, même si nous, on n'a pas eu la chance, comme les ethnologues, effectivement, de voir ces peuples parler, chanter, s'exprimer, communiquer. Mais on essaye de tendre vers une approche plus anthropologique, ethnologique, sociologique des fois, d'essayer de comprendre un peu comment on peut aujourd'hui en préhistoire essayer de réfléchir à des paléosociologies, essayer de réfléchir avec l'aide des collègues généticiens à comment se faisaient par exemple les systèmes de parenté, qui était représenté sur un site, est-ce que c'était des gens de la même région ou de régions différentes, ça concernait les hommes, les femmes, est-ce que c'était genré, pas genré, etc., etc. Stéphane, on va vraiment vers le plus en plus fin. Oui, mais c'est ça, en écho à tout ce qu'on vient d'entendre de Nicolas Tessandier, Stéphane Bourdin, il n'est pas question d'interdire à un chantier de construire un bâtiment, à un agriculteur de labourer son champ. C'est pas du tout ça la démarche pour préserver les sites. Le monde n'est pas un musée figé. Non, le monde n'est pas un musée figé et les vestiges archéologiques sont partout. Donc on a à peu près, en France par exemple, on estime qu'en moyenne, sur un tracé linéaire de grand aménagement, type ligne de TGV, on a un site potentiellement intéressant qu'on doit fouiller tous les kilomètres. Donc la densité, il n'existe pas de territoire vierge d'archéologie finalement. Même dans la forêt amazonienne, les études récentes ont montré que le milieu avait été fortement anthropisé, que la forêt n'est pas une forêt primaire. Enfin, elle s'est reconstituée sur des terrains qui ont été auparavant travaillés. Donc les sites archéologiques sont partout et on ne peut pas bloquer les aménagements, bien évidemment. Mais l'archéologie préventive est là pour étudier les sites avant leur éventuelle destruction par les aménagements. Il est nécessaire de prendre connaissance de ces sites, de les publier, de les diffuser, de mieux les connaître avant qu'on... Sauf, bien sûr, exception, si on trouve un théâtre romain ou un temple entier, on va pas le détruire, on fera un contournement, une muséisation, une valorisation. Mais dans la plupart des cas, on documente ces sites et ensuite on peut réaliser les ouvrages qui sont nécessaires à la vie de tous les jours. Voilà, et puis les études sont là, peuvent être utilisées aujourd'hui et dans le futur. Alors, quand il est question des détectoristes, bien sûr, allez, on va dire qu'il y a ceux qui ne savent pas, mais qui maintenant connaissent le code du patrimoine et savent qu'il faut une autorisation. La motivation, c'est peut-être l'amour de la collection. Parfois, quand même, la motivation, c'est tout simplement le trafic. La ville de Pompéi, ou plutôt les services culturels qui en ont la charge, font actuellement face à une crise qui ne leur permet pas de bénéficier de fonds nécessaires pour entreprendre de nouvelles fouilles, voire de préserver efficacement le patrimoine existant. 1 million de touristes visitent Pompéi chaque année, mais ils ne paient que 1 franc pour l'ensemble de la visite de la ville romaine, et cela couvre difficilement les frais administratifs. Faute de moyens financiers, les buissons et les mauvaises herbes s'emparent peu à peu des rues de la ville et les maisons anciennes se dégradent. Les statues, les autels, les mosaïques, les colonnes, les fresques, peu ou mal gardées, tendent à disparaître et les voleurs sont nombreux. Même si beaucoup de ces trésors ont peu de valeur hors de leur site d'origine, le marché noir des souvenirs de Pompéi est très florissant. Cependant, la priorité immédiate est donnée à la protection des 2/3 de la cité déjà mis à jour. C'est sur TF1 1977 qu'était présenté Pompéi et le trafic associé. Aujourd'hui, c'est 19 euros l'entrée à Pompéi. Stéphane Bourdin, le trafic dans cet atlas des sites archéologiques menacés, là aussi, est une lecture qu'on peut avoir de manière transversale. Oui, c'est-à-dire qu'il y a, différents types de trafic et de pillage. Il y a un trafic, on pourrait dire, de proximité, enfin des populations qui parfois, par des nécessités économiques, se mettent à exploiter, piller les tombes et revendre du matériel. Mais on assiste depuis quelques années à une criminalisation croissante du trafic et des groupes criminels ou des groupes terroristes qui ont pu parfois mettre en coupe réglée certains sites. C'est le cas en Syrie notamment, enfin quand l'État islamique s'est emparé de la région de Deir ez-Zor et a commencé à exploiter méthodiquement, à éventrer de façon même organisé un certain nombre de sites comme Mari par exemple en Syrie ou Palmyre pour récupérer du matériel qui est ensuite revendu pour augmenter les finances de ces groupes terroristes. Ce phénomène finalement criminel mafieux, il y a des archéomafias, concerne un petit peu tous les continents, bien sûr le Proche-Orient mais pas uniquement. Enfin, on assiste vraiment à ces déprédations sur la côte andine en Amérique du Sud. On a ces trafics organisés avec des réseaux de ports francs, d'antiquaires qui permettent aussi d'écouler ces marchandises, des sites internet dans lesquels on peut, une tablette cunéiforme se négocie aux alentours de 100 euros sur internet. Comment on peut être sûr au moment de regarder? Parce que il y a toutes ces ventes possibles à énormément de sites, mais ça ne veut pas dire que l'achat d'objets anciens doit être complètement interdit. Comment vous considérez ça? C'est très compliqué, hein, il suffit de regarder les ventes aux enchères et régulièrement il y a des objets archéologiques. Les objets qui proviennent de collections anciennes et qui ont été constitués au 18e, au 19e siècle et qui sont remis en circulation, là on n'a pas tellement de prise, mais actuellement tout le matériel archéologique qui atterrit en vente publique est en général issu de fouilles qui sont illégales, puisque normalement le matériel archéologique, quand il est sorti de terre par des archéologues, il finit dans des musées ou auprès d'institutions publiques. Donc la provenance du matériel archéologique qui est en vente en circulation sur Internet, elle est en général douteuse. Bah, c'est bien de le rappeler. Oui. C'est même important. Et puis surtout, de bien dire que, au-delà de l'affichage de la destruction de sites, et je pense à l'État islamique, tout ce qui n'était pas montré était ce véritable trafic, ce commerce. Pour une statue détruite, combien ont été vendus par derrière? Dans l'atlas des sites archéologiques menacés, dès qu'il est question du trafic, on pourrait là aussi remonter longtemps par le passé, parce que j'ai presque envie de dire c'est le fonctionnement même du commerce de l'art, ces collections du 18e siècle que vous évoquiez, mais il n'y avait pas la notion de patrimoine alors, vient de pillage. Oui, et même avant, enfin, les constitutions des empires coloniaux a abouti à des pillages, les palais d'Abomey, où on a beaucoup d'exemples comme ça, où les armées des puissances coloniales ont pillé des objets et les ont amenés en en Europe, dans les musées européens. Je pense que vous en parlerez dans une prochaine émission. Mais il y a également, dès l'Antiquité, en réalité, les sources anciennes suétones racontent, par exemple, que au moment où les colons romains se sont installés à nouveau sur le site de Corinthe qui avait été détruit, s'est mise en place une véritable pillage des tombes grecques et on s'est mis à vendre ce qu'on appelait les nécrocorinthias, c'est-à-dire des vases grecs antiques qui, dès l'Antiquité romaine, étaient vendus comme des antiquités. Et tout un marché s'est développé à l'époque. Donc la tentation, malheureusement, du pillage et de la commercialisation des objets archéologiques n'est pas nouvelle. Ce n'est pas nouveau et à côté de ce pillage qui est évidemment caché, et nous sommes dans des mondes mafieux, il y a la volonté de détruire. Pourquoi ces sites archéologiques sont menacés? Cette fois-ci, c'est plus une ambition politique. Quand on va dans cette vallée de Bamiyan, au plein centre d'Afghanistan, c'est tout en ocre. La lumière dorée. Et souvent une sorte de poussière qui stagne dans l'air. Ça donne encore une vision assez onirique à cette vallée. Et en face de vous, d'un seul coup, une gigantesque statue de Bouddha, debout, 53 mètres. Cette œuvre d'art, en dehors d'incarner, bien sûr, Bouddha, qui est là, incarne aussi l'esprit d'un peuple, l'histoire d'un peuple, l'identité d'un peuple. Et puis, évidemment, le sort de ces deux Bouddhas. Comment une armée de ténèbres qui décide de détruire un peuple, de détruire une histoire, de détruire une culture, de détruire une civilisation. On a l'impression qu'ils sont là que pour ça. Déclarer soit la guerre contre la culture, contre la civilisation. C'était sur France Culture, Atik Raimi qui s'exprimait, c'était en 2021, à propos des Bouddhas de Bamiyan. Ces Bouddhas-là, Stéphane Bourdin, en Afghanistan. Atik Raimi, romancier, réalisateur franco-afghan, a une vraie lecture de cette histoire. Des Bouddhas détruits par les talibans, bien sûr, mais qui, déjà par le passé, avaient subi des destructions, notamment le visage effacé. C'est ce que l'on retient souvent de la destruction du patrimoine. C'est fréquent, bien sûr, ça arrive, mais dans cet atlas des sites archéologiques menacés, c'est pas la majorité des menaces. Non, c'est pas la majorité des menaces. Alors l'iconoclasme, bien sûr, est fréquent. On s'est longtemps attaqué pour des motifs religieux aux images. Ça remonte à Byzance, guerre de religion, la Révolution française. On a eu des épisodes comme ça où on s'attaque aux images. Là, on assiste plutôt désormais à une volonté délibérée de s'en prendre au patrimoine pour effacer les traces. Alors soit de religions que l'on considère comme païennes ou de pratiques que l'on considère comme païennes au sein même de l'islam. Certains courants fondamentalistes s'attaquent au patrimoine archéologique musulman, les tombeaux de Tombouctou, de Tombouctou par exemple. Mais avec aussi, il n'y a pas que les statues qui meurent, hein. Des gens meurent aussi. Enfin, il ne faut pas oublier quand même en 2015 par exemple l'assassinat du directeur du site de Palmyre, Khaled el-Assad. Enfin, il y a aussi des archéologues qui meurent et pas uniquement des statues. Donc d'une part la volonté de détruire ce patrimoine pour en effacer les traces d'autres religions et même parfois pour effacer de la présence de minorités. Donc on s'attaque par exemple en Inde, régulièrement on détruit des sites ou on occulte des sites moghols, musulmans pour essayer d'insister au contraire sur l'homogénéité hindoue de la population. On va trouver la même chose en Arménie actuellement, dans le conflit avec l'Azerbaïdjan. On va retrouver ça, en fait, dans toutes les zones de guerre. Nicolas Tessandier, là aussi, dans une lecture des patrimoines menacés, il y a des grandes lignes. La guerre, le moment de la guerre, est un moment de menace. Et sachant que au Yémen, aujourd'hui, en Ukraine, des guerres font rage, c'est le patrimoine qui est toujours en danger. C'est pas simplement le dire, mais c'est rappeler l'importance, sur un temps très long, dans le futur, de ces destructions. Oui, oui, bien sûr. Oui, on a présenté, nous, le Yémen. Enfin, nos collègues, notamment Lamia Khalidi, a illustré le cas du Yémen, qui est un cas tragique avant tout de au niveau humanitaire. Hein. Je crois que le pays est décrit en urgence humanitaire pour plus de 80% de la population. On est à 4 millions de personnes déplacées, des centaines de milliers de morts, des gens dans une misère, une pauvreté terrible. Le patrimoine, on va dire. Derrière ces gens, effectivement, c'est tout leur patrimoine et leur histoire et leur mémoire en fait qui est écrasé, qui est anéanti. C'est la mémoire de l'humanité qui est attaquée, quoi, qui est, comme l'a bien expliqué Stéphane à l'instant, hein, je trouve que c'est ce Yémen, pays de Saba, les routes caravanières, zones de passage, routes de l'encens, l'invention de l'écriture, enfin on pourrait continuer sur cette zone de carrefour, hein, en plus du Yémen, de peuplement entre l'Afrique, le Levant, l'Asie, qui a connu, enfin qui est un peu dans nos imaginaires, hein, le Yémen réveille des sens, des émotions, une histoire assez prodigieuse, et puis voilà, cette guerre qui est tragique, hein, de plusieurs États de la péninsule arabique qui se sont liés, notamment l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, un gouvernement en exil, aucune stabilité politique, des problèmes de courants religieux qui s'affrontent, et cette volonté qu'il y a eu par des groupes extrémistes de détruire tout ce qui est idolâtre, quoi, les tombes, les sites, les œuvres d'art, tout y passe, quoi. Il y a vraiment une démolition programmée. Oui, parce que et dans divers dans divers autres lieux. Oui, parce que c'est vraiment cela, hein, ces destructions. On le sait bien, hein, dans les concurrences d'actualité, faut-il défendre un monument au moment où la population est massacrée ? Stéphane Bourdin, c'est des choses que l'on entend régulièrement. Vous êtes sur France Culture, il y a peu de risques d'avoir ici des gens qui hiérarchisent. Tout le monde a conscience que c'est important, mais Nicolas Tessandier l'a dit avec justesse. En détruisant des monuments, vous détruisez une partie de l'identité et du futur de ces populations-là. Donc, c'est aussi attaquer les gens. Oui, c'est attaquer les gens, c'est attaquer leur culture, leur identité et même leur existence même, au final. Enfin, leur droit à exister en tant que groupe autonome avec une culture définie et leur droit à s'épanouir, en réalité. C'est ça qui est visé. Et on le retrouve dans toutes les zones où des cultures minoritaires sont menacées. C'est le cas en Chine, par exemple, avec les cultures périphériques au Tibet, les Ouïghours, etc. Les traces de leur passé aussi sont systématiquement dévalorisées, voire détruites, au profit d'un discours dominant. Avec, dans cet ouvrage hein, publié par le Cherche Midi et le CNRS, cet atlas des sites archéologiques menacés, une zone de guerre, c'est Rouen, 1944, enfin c'est Rouen sous les bombes. Pourquoi avoir choisi, pour évoquer un site menacé, une zone que l'on n'imagine pas menacée, déjà un patrimoine que l'on oublie bien trop souvent. Et puis, en quoi est-il menacé, ce patrimoine-là ? Le site de Rouen est extrêmement intéressant parce que ça repose la question des choix, finalement. Qu'est-ce qu'il faut préserver ? Qu'est-ce qu'il faut étudier ? Au moment, déjà, de la reconstruction, après les premiers bombardements, Rouen a subi des destructions dès la première phase de la guerre en 1940, 40, et puis encore en 1944 ensuite. Se pose la question de voilà ce qui doit être préservé, ce qui doit être étudié et comment le mettre en valeur, ou faut-il au contraire effacer les traces de ces traumatismes et reconstruire au plus vite pour effacer les traces de ces événements. Nicolas Tessandier. Oui, et quand on parlait de mémoire, ça me faisait penser, enfin de mémoire, de volonté de paix, de couper les identités à travers ces pillages, ces guerres, ces destructions de patrimoine. Ça me faisait penser à un exemple d'un collègue qui a travaillé, lui, en Australie, sur des grottes ornées, peintes, en terre d'Arnhem, au nord de l'Australie. Et où la beauté, je trouve, de l'histoire est qu'en fait, il y avait encore des populations aborigènes dans cette région qui utilisaient encore les grottes peintes il y a des dizaines de milliers d'années comme des lieux de culte, de retour aux ancêtres, enfin voilà, des lieux qui étaient inscrits dans leurs croyances, dans leurs savoirs locaux, et où en fait le travail n'a pu se faire qu'avec eux, et en fait finalement c'était eux les meilleurs protecteurs en quelque sorte de l'archéologie, des vestiges archéologiques dans cet endroit-là, parce que ces endroits-là n'étaient pas pénétrables par un étranger qui voudrait y faire un trou, c'était pas possible, quoi. Enfin, je veux dire, les aborigènes auraient pris ça comme c'était pour eux une attaque directe à leur tradition, leur groupe, leurs ancêtres. Et voilà, je pense qu'il y a tout ce phénomène de, nous, c'est sûr que dans nos civilisations occidentales, on est très coupé finalement de la mémoire, de la mémoire du passé, et la préhistoire en cela est vraiment, on n'a plus même la mémoire des objets, on l'a perdue. La mémoire d'un objet en silex, elle n'existe plus, quoi. Et du coup, on travaille sur des humanités dont on essaye de retrouver des fragments, mais dont la mémoire a été très très effacée parce que bah, les cultures se sont complètement modifiées, renouvelées, et qu'on n'est pas en continuité culturelle avec ces sociétés-là. Ce qui est dans quelques encore rares recoins de la planète peut exister, cette stabilité, ces formes de stabilité culturelle, de croyance et de mémoire des lieux. Surtout que nous sommes entrés dans cette période de l'anthropocène où partout l'homme est partout, là, tout le temps. Et évidemment, le patrimoine en subit les conséquences. Vous aviez quel âge quand vous avez réalisé ce quartier ? Oh, j'avais... Je ne me rappelle pas, je crois que j'avais 24 ans. Je crois que c'est absolument obligatoire que la création architecturale il modifie les rapports entre les gens. L'homme, c'est un animal individuel, alors il faut exagérer, il faut pousser les possibilités individuelles de l'homme. Et l'homme aussi, c'est un animal collectif, alors il faut étudier les possibilités de rapports et de création collective entre les hommes. Et imaginez ce qu'il peut arriver avec une ambiance comme ça, dans une grande ville, avec tous les fonctionnements différents de la ville, avec toutes les possibilités et toute la différenciation d'une grande ville, et toutes les relations qui sont beaucoup plus complexes dans une grande ville. Non ? Et alors c'est le grand théâtre. Vous avez confiance, vous avez espoir dans l'urbanisme futur ? Moi je ne suis pas très optimiste, mais ou le chaos il est total, ou il viendra la guerre mondiale, la guerre atomique, ou ça doit sortir une révolution dans le futur, ça c'est clair, une révolution urbanistique. Il y a beaucoup d'espoir dans les propos de Ricardo Bofill, l'architecte espagnol, qui s'exprime en 1974 à propos d'un quartier de Tarragone construit une dizaine d'années plus tôt. Stéphane Bourdin, bah oui, il y a ça, il y a l'urbanisme. Les villes grandissent et le patrimoine, lui aussi, est menacé. Oui, l'artificialisation des sols menace le patrimoine. Enfin, il y a toute une série de sites qui sont à la périphérie de centres urbains. Et c'est le cas à Sirène, par exemple, qui est présenté dans l'Atlas, ou à Tarragone, où les aménagements portuaires, les dragages, notamment dans le bassin portuaire, entraînent la destruction de séquences sédimentaires qui sont extrêmement importantes pour bien reconstruire la forme du port, l'état des trafics et le paléo-environnement. Donc ces dragages détruisent complètement, avant qu'on ait pu les étudier parfois, ces séquences sédimentaires. Avec Tarragone, nous sommes en Espagne. Avec Sirène, nous sommes en Libye. Deux contextes aussi différents du point de vue du tourisme. Sirène va être menacée, comme vous l'avez dit, par l'urbanisme, également par les pillages. C'est autre chose pour tant d'autres sites. C'est l'urbanisme sans doute, mais aussi le tourisme. Parce que même quand le site est protégé, la venue de touristes en masse abîme le lieu. Oui, la surfréquentation touristique use finalement les lieux. On le voit encore, par exemple, où 5 millions de touristes, ça finit par tasser le sol, ça finit par user les revêtements de grès, les dallages et puis même les parois. Et donc la surfréquentation touristique use les monuments, de même qu'elle use parfois les sentiers ou les parcours littoraux. Et pour les grottes préhistoriques, Nicolas Tessandier, là c'est simplement parce que les gens respiraient, d'où ces reconstructions de grottes à l'identique. Vous avez évoqué Lascaux, Chauvet, Cosquer, etc. Oui, Lascaux c'est un bon exemple parce que Malraux l'avait, à juste titre sans doute pour l'époque, avait voulu rendre Lascaux accessible au plus grand nombre. Et puis on a récupéré Lascaux en dernière minute, sans quoi, parce que des centaines de milliers de visiteurs s'étaient succédés dans Lascaux et que des champignons poussaient sur les parois et que l'équilibre écologique, on va dire, de la cavité souterraine. Les cavités souterraines, c'est des milieux très particuliers qui ne peuvent qu'exister et se préserver dans des conditions optimales, avec des circulations d'air très particulières, des conditions hydrométriques, des températures, etc., qui sont stables. Et que quand on casse l'équilibre écologique de ces grottes, il survient des bactéries, des champignons et tout un tas de choses qui étaient arrivées à Lascaux. Donc maintenant, on a la chance, effectivement, de pouvoir faire des facsimilés. On a des collègues qui sont, à mes yeux, pour ceux que j'ai pu visiter, assez remarquables, que ce soit la grotte Chauvet, Lascaux et Cosquer pour les plus célèbres. Où on a vraiment un rendu qui est assez extraordinaire, quoi. Le rendu de la paroi, et moi j'ai été assez bluffé, quoi. Et on arrive avec des résines et des travaux de spécialistes, là, d'experts, d'artisans vraiment super doués, qui arrivent à rendre les modelés des parois, et puis des collègues graphistes, peintres qui reproduisent les œuvres en respectant les techniques. Est-ce qu'on connaît des techniques, des couleurs, des minéraux, des pigments, des colorants, des charbons, etc. Donc on a cette chance de pouvoir rendre accessibles ces lieux au plus grand nombre, et c'est parce que il faut bien sûr ne pas visiter ces grottes, il faut bien sûr les laisser fermer, c'est invisitable quoi. Mais qu'elle soit toujours accessible, en tout cas, même de manière facsimilée, au plus grand nombre. Parce que, pour terminer, Nicolas Bourdin, faire cet atlas des sites archéologiques menacés, et je le répète avec Nicolas Tessandier qui est là, François Bétard et Françoise Gourmelon, c'est aussi un effet générationnel. J'évoquais en début d'émission les missions chef-d'œuvre en péril à la télévision, les années 60 aux années 90. Il faut sans cesse, en fait, rappeler l'importance de protéger le patrimoine. Il faut sans cesse le rappeler. Et il faut. Ce qui a peut-être changé, c'est. Enfin, les menaces sont plus nombreuses, finalement. Se sont rajoutées par rapport aux années 60. Le changement climatique, enfin, la criminalité organisée. Je pense que malheureusement, on a vu les menaces se renforcer. Le patrimoine devenir toujours plus. On a pris la mesure d'un patrimoine toujours plus important. Et en même temps, une multiplication des menaces. Donc, merci. Il faut le rappeler. Mais non, mais voilà, à chaque génération, sans arrêt, et même pour nous, cet atlas des sites archéologiques menacés, en plus, c'est un voyage et ça fait jamais de mal, avec beaucoup de rappels. C'est au Cherche Midi, voilà, pas besoin de chercher midi à 14h. De toute façon, pour nous, dans le cours de l'histoire, je vous remercie tous les deux, Stéphane Bourdin et Nicolas Tessandier. Il est temps de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Comment en finir avec les polémiques sur l'enseignement de l'histoire ? Le 24 août dernier, Emmanuel Macron a affirmé que la refondation de la nation passe par l'école et la connaissance, déplorant que les nouvelles générations aient perdu leur repère à cause d'un pédagogisme qui disait que l'école ne doit plus transmettre, il demande que l'histoire soit désormais enseignée chronologiquement. L'Association des professeurs d'histoire et de géographie a aussitôt réagi en reprochant au président de la République de proférer des contre-vérités. Il peut paraître surprenant, en effet, qu'un président, ayant rappelé, dans le même entretien, que l'éducation fait partie de son domaine réservé, puisse ignorer que l'approche chronologique est, aujourd'hui encore, le cadre fondamental de notre enseignement d'histoire. Pour comprendre les raisons de ce paradoxe, je présenterai, chronologiquement, quelques faits historiques qui montrent que les propos d'Emmanuel Macron s'inscrivent dans le prolongement d'une vieille tradition politique. En 1979, le journaliste historien Alain Decaux, qui fut ministre dans un gouvernement de gauche, avait déjà déclaré « On n'apprend plus l'histoire de France à nos enfants ». En 2007, à peine élu président de la République, Nicolas Sarkozy inaugura son mandat en affirmant qu'il fallait réformer l'enseignement de l'histoire afin de conforter notre identité nationale. Il est essentiel d'expliquer à nos enfants ce qu'est un jeune Français à travers le sacrifice de quelques-uns, affirma-t-il alors, pour justifier l'obligation faite aux professeurs de lire à leurs élèves la dernière lettre qu'écrivit Guy Môquet avant son exécution par les nazis le 22 octobre 1942. Ce type d'histoire chronologique associe des héros à des dates pour transmettre aux enfants des repères qui visent à conforter leur sentiment d'appartenance à la nation en jouant sur la fibre émotionnelle. En remontant un peu plus haut dans le temps, on constate que cet usage de l'histoire a été défendu par le pouvoir républicain dès la fin du XIXe siècle. Voici ce qu'écrivait Ernest Lavis, l'auteur des principaux manuels d'histoire à cette époque, en parlant des élèves. « Faisons-leur aimer nos ancêtres gaulois et les forêts des druides, Charles Martel à Poitiers, Roland à Roncevaux, Godefroy de Bouillon à Jérusalem, Jeanne d'Arc, Bayard, tous nos héros du passé ». Même enveloppé de légendes. Napoléon III, ayant imposé un enseignement d'histoire qui accordait une large place à l'histoire sainte, les réformes républicaines écartèrent les dogmes religieux, mais au profit d'un enseignement mobilisant d'autres légendes, afin de promouvoir le culte de la nation française. Ces usages mémoriels de l'histoire ont constamment alimenté des discours politiques qui occultent les questions à la fois scientifiques et pédagogiques que pose l'enseignement de l'histoire pour celles et ceux qui en ont la charge. Comme l'a montré l'historienne Laurence de Kock, pour en finir avec ces polémiques, il serait bon que nos dirigeants se préoccupent du travail réel que font les professeurs et qu'ils respectent les principes d'une discipline dont la principale finalité civique